je vais la faire courte. J'ai besoin de vous encore une fois. L'affaire est très urgente. Il y a de ça quelques heures, un meurtre brutal a été commis. J'ai malheureusement aucun inspecteur disponible avant demain soir. On a pu rassembler quelques indices grâce aux déclarations des témoins et des photos qu'ils ont postées sur les réseaux sociaux durant la soirée. C'est tout ce que j'ai pour le moment, mais j'espère vraiment que vous pourrez arriver à quelque chose avec ça. L'affaire est trop grave pour qu'on laisse ça traîner. Prévenez-moi quand vous avez quelque chose.